La première fois, c'était en Thaïlande. À Naples. Malte, et je suis restée 2 semaines et demie en Grèce. À Amsterdam. À Barcelone. En Thaïlande. En Italie. En Indonésie, donc à Bali. 3 mois seule en Australie. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver sur La Bougeotte, le podcast des femmes qui voyagent. Je suis Daisy et je suis avec Marine et Laura. Ça va comment les filles ? Ça va Daisy, moi je continue mon road trip, je viens de passer 2 semaines aux États-Unis et là je suis revenue au Canada et tout à l'heure je partirai pour le parc de Jasper en Alberta avec des amis. Cool, bah écoute, moi je suis toujours coincée à Paris mais je suis en train de préparer mon prochain voyage fin novembre début décembre je pense, j'ai envie de faire une rando et je cherche toujours où partir donc si vous avez des idées n'hésitez pas à m'en donner. Oui, n'hésitez pas à aider Marine qui est indécise car vous avez été nombreux et nombreuses à nous rejoindre le mois dernier et ça nous a fait super plaisir. Merci aussi à vos messages sur les réseaux sociaux donc n'hésitez pas à continuer. Du coup, ce mois-ci, on vous l'avait promis, on va vous parler de l'Iran. On est aussi allé chercher des petits conseils auprès des voyageuses. Et puis pour commencer, on va répondre à une question qui est souvent revenue, mine de rien, et qu'on n'avait pas abordée dans le premier épisode. C'est toi, Marine, qui va t'y coller. Oui, Daisy. Effectivement, il y a une question qui est pas mal revenue, et c'est pourquoi on fait un podcast consacré aux femmes qui voyagent, et pas aux voyages en général. Et effectivement, ça serait tentant d'esquiver cette question, et c'est sûrement un peu pour ça qu'on n'en a pas parlé le mois dernier, parce qu'au fond, on aimerait vraiment se dire que ça change rien, qu'une voyageuse est un voyageur comme les autres. Surtout que nous, on a surtout envie de donner envie. Mais bah, c'est pas le cas. Oui, il y a des spécificités à voyager en tant que femme. Ça va de devoir gérer ses règles en bivouac dans le désert ou trouver sa contraception en Australie, pour celles qui ont un utérus. Ça va de adapter sa tenue à des mœurs religieuses différentes, comme par exemple porter le voile en Iran, on va en parler tout à l'heure. Et puis, d'une manière générale, on se pose régulièrement des questions relatives à notre sécurité. Et d'ailleurs, malheureusement, les scandales de harcèlement, d'agression et de viol dénoncés par les hashtags dénonce ton port ou MeToo la semaine dernière n'ont pas épargné les voyageuses. Alors voilà, tout ça, en tant que femme, forcément, ça peut te bloquer, ça peut te faire hésiter, t'empêcher de te lancer. Et quand t'arrives enfin à surmonter toutes tes appréhensions, c'est souvent ta famille ou tes amis qui vont s'inquiéter, voire te faire peur. Mais tout ça, il faut garder à l'esprit que c'est une construction sociale. C'est une construction sociale qui te dit qu'en tant que nana, tu seras forcément plus vulnérable, une cible plus facile. C'est une construction sociale qui sous-entend aussi que tu serais moins débrouillarde qu'un mec, parce que soi-disant, t'aurais moins le sens d'orientation ou tu saurais pas changer une roue. Et puis c'est une construction sociale qui fait que, de toute façon, on fait grandir les petites filles dans la peur. Alors oui, franchement, ça craint souvent d'être une femme, ici et dans plein d'autres endroits du globe, et ce serait pas honnête de le nier, de dépeindre un monde de bisounours où tout est facile. Mais la réalité aussi, c'est que la plupart des femmes sont des super battantes. On a appris à évaluer des risques toute notre vie, on sait le faire ici, donc on sait le faire partout. Peu importe l'endroit où vous déciderez d'aller, vous saurez trouver le moyen de vous y adapter. Les meufs, vous êtes fortes. Vous saurez vous renseigner sur votre destination, demander des conseils. Vous saurez vous prendre en main là-bas, demander de l'aide, faire confiance à votre instinct. Et puis bon, bien sûr, vous saurez lire une carte, mais ça, est-ce que j'avais besoin de le préciser ? Donc dans ce podcast, on n'ira pas les spécificités ou les difficultés propres aux femmes. Surtout que bon, on va pas se mentir, nous, on adore parler de règles et de poils. On veut au contraire être un espace où on peut parler de ces questions, que ce soit notre propos. On veut avant tout donner confiance et envie, et donc donner des éléments concrets pour prendre en main ces problématiques-là en tant que femme. C'est pour ça que je vais laisser la parole à Daisy juste après, qui a voyagé dans un pays qui souffre encore de pas mal d'idées reçues, et particulièrement quand on est une femme, c'est l'Iran. Et avant de vous laisser, je voulais quand même vous dire que j'ai checké un truc. D'après une étude Ipsos publiée fin 2015, les femmes représentaient déjà 40% des voyageurs solos. Donc en vrai, des nanas badass, il y en a déjà plein et vous pouvez compter sur nous pour continuer à leur donner de la visibilité. Oui Marine, et comme tu parlais des poils et des règles, j'ai profité de cet épisode pour vous faire un test de la Moon Cup et d'un tampon jaune fluo. Non les filles, c'est pas vrai, je vous rassure, mais en fait, en discutant avec une amie journaliste, je me suis rendu compte que pendant longtemps, les femmes journalistes se sont senties obligées d'investir des sujets féminins quand elles parlaient des femmes. Et moi je suis contente qu'on tombe pas dans cet écueil-là, même si c'était important de faire cette mise au point que t'as faite Marine. Et en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec ton idée de déconstruction sociale, et je suis très contente qu'on puisse y participer dans ces épisodes. Et oui, pour l'Iran, vous l'avez annoncé le mois dernier, on va vous en parler dans ce deuxième épisode de La Bougeotte, et c'est toi, Daisy, qui y est allée en solo. Ouais, c'est ça. J'ai fait mon premier voyage solo là-bas, en fait, j'y suis restée 3 semaines. Et à mon retour, ce qui m'a vraiment surprise, c'est le nombre de personnes qui sont venues me demander des informations sur le pays. En particulier les femmes, il y en avait beaucoup qui voulaient le faire en solo, comme moi. Le problème, c'est que à chaque fois, c'était la même réaction. Ça a suscité un grand enthousiasme, beaucoup de curiosité pour le pays, mais aussi beaucoup de questionnements qui bloquaient sur la tenue, la sécurité, etc. Alors pour répondre à ces questions-là, on s'est dit que ça serait bien de donner la parole à des voyageuses. On en a rencontré trois. Il y a Siem d'un côté qui s'apprêterait à prendre l'avion quand je l'ai rencontré. Et pour lui répondre, j'ai fait appel à Anissa et à Charlotte. Elles sont toutes les deux parties avec une de leurs amies. Anissa, elle est partie 14 jours en Iran en 2016 et Charlotte, elle y a passé un mois en début d'année. On vous laisse écouter ça. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de vos voyages en Iran. Ensemble, j'aimerais qu'on essaie de répondre un petit peu aux questions que se posent généralement les voyageuses sur l'Iran. Alors ces questions, c'est pas moi qui vais vous les poser, c'est Siem. On va écouter maintenant la première question de Siem. On va en discuter après, je vous laisse écouter. Par rapport à la tenue vestimentaire, ce que les femmes peuvent ou ne peuvent pas faire, que j'avais l'image vraiment très stricte, que la femme vraiment n'avait pas trop de liberté. C'était quoi votre tenue et qu'est-ce qu'on a le droit de porter finalement, pas le droit de porter C'est vrai que c'était une des premières questions une fois qu'on avait réservé notre billet d'avion, de comment est-ce qu'on allait pouvoir s'habiller. Et à force de lire des blogs et des informations, ma tenue c'était un pantalon ample, ce qu'ils appellent là-bas un manteau, donc c'est une tunique assez longue qui va disons jusqu'au genou ou un peu plus haut. Et il faut que les coudes, les genoux soient donc cachés. On s'était aussi posé la question des sandales, chaussures ouvertes, ça y a pas de souci, on peut être en chaussures ouvertes. Et il faut avoir du coup un hijab, mais j'ai pris un foulard que j'avais dans la vie de tous les jours et que je mettais comme ça. Dans Téhéran en tout cas, les femmes, le voile qu'elles portaient, enfin, on voyait quand même énormément les cheveux, enfin, il y avait les cheveux longs qui dépassaient, donc c'est un voile, c'est vraiment... Voilà, faut porter un voile quand on est là-bas, respecter, mais bon, il y a quand même pas mal de fantaisie, on peut vraiment se faire plaisir. Enfin, nous, on s'est quand même fait plaisir sur les tenues, les foulards qu'on portait, etc. Et justement, le port du voile, toi, ça allait du coup t'as... Ouais, franchement, bah, nous, on était dans un hôtel où ils étaient assez cool, donc des fois, il y a des filles qui l'enlevaient. Mais nous, en fait, c'était comme ça quand on était là pour 14 jours, donc c'était, enfin, franchement, c'est pas une contrainte parce qu'on rentre en France. Voilà, si on n'a pas envie de le porter, on l'enlève et puis c'est pas un problème. Non, c'est vrai qu'on s'y habitue assez vite, à tel point qu'on ne le sent plus à un moment et c'était même gênant parce que parfois il tombait, on s'en rendait pas compte et on s'en rendait compte juste avec les regards des gens dans la rue, mais sinon ça n'a pas du tout été une contrainte. Alors ça rejoint un petit peu la prochaine question de Siem, qui était un petit peu la question des codes. Ce que je peux ne peux pas faire à l'extérieur, par exemple, que le voile doit être bien mis, pareil, la relation avec les hommes, donc pas trop proche, pas de bise, pas de... voilà. Bon, pour le voile déjà, bien mis, on voit que vous y avez déjà répondu. Ouais. Pour le reste, je sais pas si vous, il y a des règles que vous avez eu l'impression qu'il fallait connaître. Moi, j'ai trouvé beaucoup de bienveillance et de tolérance à mon égard parce que, enfin, il était évident que j'étais une occidentale qui ne connaissait pas la culture iranienne. Et moi, je fumais mes cigarettes tranquillement. Enfin, ça suscitait surtout de la curiosité, en fait. J'ai eu l'occasion de sortir seule à Shiraz et en fait, aucun problème. Enfin, oui, il faut être vigilante, enfin comme partout, c'est évident, à partir du moment où on est une femme, il faut être vigilante. C'est vrai que nous on avait une attitude assez réservée par rapport à toutes ces règles et on attendait un peu de voir comment ça se passait, voir un peu le feeling qu'il pouvait y avoir et ce qu'on pouvait se permettre entre guillemets. Et on a appris par exemple que c'était interdit d'être assis théoriquement à côté d'un homme dans le taxi alors que ça nous est arrivé à énormément de reprises. Et moi je les ai trouvés simples en fait, la relation avec les hommes en fait iraniens. On a beaucoup parlé avec des hommes principalement, plus qu'avec des femmes, et ça s'est toujours fait de manière très cordiale et conviviale quoi. Enfin, on a été invités dans des familles. Et en fait, c'était intéressant parce que voilà, de voir la différence. Enfin, je pense que ça rejoint du coup ce qu'on disait entre la différence entre ce qui est dit d'interdit et ce qui se passe vraiment. Je pense que c'est beaucoup plus flagrant dans l'espace privé en fait, quand on est invité chez des locaux. Bah, le voile déjà, ouais. Ouais. L'espace privé, les poils. Oui, voilà, ouais. Dès qu'on passait le pas de la porte, on nous demandait, enfin, on nous proposait d'enlever le voile en tout cas. Alors, on va passer à une autre question que finalement on a à peu près pour toute voyageuse dans tout pays. Mais un peu particulière parce que c'est l'Iran, donc c'est toujours un peu particulier. Je voulais t'écouter. Pour loger chez l'habitant, comment faire ? Enfin, comment demander à l'habitant de, si c'est possible de passer une nuit ou deux chez cette personne, vu que je voulais faire du couchsurfing. Apparemment, enfin, c'est pas très autorisé par le gouvernement. Pas très autorisé. Alors, c'est pas du tout autorisé, mais encore une fois, il y a une différence entre... la pratique et la théorie. J'ai fait du couchsurfing dans plusieurs pays et c'est le pays où ça a le mieux marché. On n'a même pas à demander d'aller chez les gens, c'est les gens qui nous demandent de leur faire cet honneur, ce qui peut être un peu gênant par moment. Donc vous avez toutes les deux utilisé couchsurfing ? Moi non, mais quand on est invité en fait par les gens vous invitent chez eux si ça match, que vous entendez bien, que vous riez bien ensemble. Les gens en fait vous invitent de bon cœur en fait. Moi en tant que femme, souvent je suis sur mes gardes, donc je me dis mais que me veut cette personne ? Et on a l'impression que les gens sont insistants, mais en fait on se rend compte qu'en fait c'est... Oui, c'est complètement désintéressé. C'est désintéressé, quoi, c'est juste génial. Parfois, on était assises même dans la rue, on était en train d'écrire quelque chose et des gens venaient nous demander si ça allait et de fil en aiguille nous inviter chez eux. Et on s'est retrouvés comme ça, être invités dans une famille. C'est pour ça que moi, je conseille de pas trop prévoir en Iran parce que justement, au fur et à mesure, il y a des choses plus extraordinaires qui arrivent à chaque fois. Alors, passons à une autre question très pragmatique. Le coût de la vie là-bas, est-ce que c'est assez cher ou pas? Enfin, en moyenne, un repas, ça peut coûter combien? Oui, pour les nuits d'hôtel, au cas où, si je pouvais pas dormir chez l'habitant, combien ça pourrait me coûter de dormir, enfin, un hôtel basique, quoi. La première chose à dire au niveau du budget, ce qui était pour moi la plus grosse contrainte en Iran, c'est qu'on peut pas retirer sur place parce qu'il n'y a pas de système bancaire international. Du coup, ça pouvait être un stress au début d'avoir autant d'argent sur soi. Mais du coup, nous, on avait investi dans des bananes et des sacs près du corps. Et pour revenir sur l'insécurité, à aucun moment on a eu de problème par rapport à ça. Mais on avait bien fait notre budget et nous, on est parti sur un budget quand même très très bas. Et on était à, il me semble, 550 euros pour du coup un mois. En total, mon voyage, il m'a coûté 1400 euros. Donc autant dire qu'on s'est fait vraiment, vraiment plaisir. On a mangé dans des bons restos. Alors un bon resto, c'est combien à peu près? Un bon resto, on peut en avoir pour 10 $. Ouais. Ensuite, un très bon resto, 20 $. Mais on peut aussi manger dans la rue pour 2 $. C'est ça. Donc il y a un peu de tout et c'est globalement beaucoup moins cher qu'en France. Et pour les nuits d'hôtel, il faut compter entre 30 et 45 euros la nuit. Et après, dans les auberges, les mozzarella per année, c'est beaucoup moins cher. Entre 10 et 20 euros. 10 et 20 euros avec des douches communes. En dortoir. J'avais une question pour toi, Anissa, parce que tu étais avec ton amie qui est musulmane pratiquante. Ouais. C'était le cas de Siem aussi. Et elle se posait la question de comment ça allait être perçu. Notamment parce que je ne sais pas si c'est le cas pour ton amie, mais elle est sunnite, dans un pays qui est majoritairement chiite. Ils sont généralement contents, en fait. Enfin, il n'y a pas... Ils sont surpris, parce que même si on est une femme d'origine maghrébine en Iran, enfin on est perçu quand même, on reste une occidentale. Enfin c'est très facile en fait d'être musulmane pratiquante en Iran, et puis le fait d'être sunnite en fait c'est pas du tout un problème en fait. Mon amie a même prié à l'intérieur de la mosquée Nasir el-Mulk, donc c'est quand même un cadre fantastique, et donc je souhaite à Siem de pouvoir le faire. J'aimerais savoir quels sont pour chacune d'entre vous les endroits, vraiment vos coups de cœur. Coups de cœur, ouais. Ouais, c'est Isfahan. Moi, Isfahan, déjà, c'était la ville qui me faisait rêver. On l'a fait en dernier et Isfahan, c'est juste une merveille, quoi. C'est indescriptible, faut y aller-y, quoi. Bah, je partage ton avis sur Isfahan. C'est vrai que les mosquées sont incroyables. C'est les plus grandes mosquées, les plus impressionnantes, disons. Mais moi, j'ai été particulièrement étonnée du nord. Et on est allé dans des petits villages. Donc, il y a Mazoulé, notamment, qui est un tout petit village avec des maisons, alors je sais pas comment on explique ça, mais des maisons qui sont accrochées à la montagne, et c'est vrai que cet endroit était magnifique. Bon, mais pour conclure, peut-être, si vous aviez un conseil ou quelque chose à dire aux voyageuses qui sont tentées par l'Iran, n'hésitez pas et allez-y. Franchement, foncez, allez-y les yeux fermés, préparez bien votre voyage et... Oui, qu'il n'y a pas d'appréhension à avoir. Ouais. C'est vrai que moi, quand j'ai annoncé que j'allais en Iran, il y a eu pas mal de monde qui a pu me dire que c'était une mauvaise idée, etc. Et finalement, je suis très contente de ne pas les avoir écoutés, d'y être allée, parce que c'est bien de se faire une idée par soi-même et que c'est une de mes meilleures découvertes au niveau voyage que j'ai pu faire. Ouais. Moi, c'est mon meilleur voyage et ça va être compliqué d'atteindre le niveau de merveille que j'ai pu voir en Iran. Et je partage tout à fait leur avis. Je suis tellement tombée amoureuse de ce pays que je prévois même d'y retourner dans quelques mois. Ouais, bah c'est vrai que ton expérience et puis la leur, ça donne quand même pas mal envie. Et c'est fou parce qu'effectivement, c'est assez loin de ce qu'on imagine. Mais en même temps, tu m'as dit, d'après ce que tu m'as dit, c'est assez récent en fait que ça soit ouvert aux touristes comme ça. Voilà. Donc on a encore des clichés dans la tête, quoi. Voilà, ça fait seulement 2 ans à peu près que vraiment il y a des touristes qui arrivent et que le pays est prêt, entre guillemets, à commencer à les accueillir. Donc voilà, on a encore ici en tout cas peu de gens qui sont allés en Iran. Donc moi par exemple, quand je dis autour de moi que je suis allée en Iran, les gens après reviennent me dire oui, c'est vrai, t'étais partie où? En Afghanistan, non, en Irak. Ça, c'est ouf quand même. La Syrie aussi, on m'a cité la Syrie. Bon, bah voilà, il y a un peu une méconnaissance sur le pays et voilà, c'est en train de changer et tant mieux. Alors que donc, a priori, le pays veut vraiment changer cette image. Les habitants sont hyper accueillants notamment. C'est ça, et c'est totalement safe. Voilà, il y a vraiment une volonté de redorer l'image du pays, de montrer que c'est possible de voyager, que c'est aussi un pays perse, une culture persane. Donc c'est aussi important de montrer pour eux la différence. Et donc, en termes de changement d'image, Daisy, tu t'es intéressée au travail d'un photographe que tu as rencontré là-bas. Ouais, c'est ça. Il s'appelle Mahmoud Reza Foroui. Et je l'ai rencontré en Iran parce que son projet m'avait vraiment interpellée. C'est une série de femmes qui voyagent seules en Iran. Il a appelé ça Wanderlust Woman in Iran. Et sa démarche, je l'ai trouvée vraiment singulière dans le sens où elle se focalise donc sur les femmes qui voyagent seules. Et c'est le message qu'elles veulent faire porter sur le pays. Donc, je suis allée l'interviewer pour savoir ce qui avait motivé ce projet. On l'écoute. My name is Mahmoud. Je m'appelle Mahmoud Reza. Je suis né en Iran en 82. J'étais là-bas jusqu'à mes 26 ans et ensuite je suis parti en Europe. Moi et les personnes de ma génération, on a grandi dans une société qui était en quelque sorte fermée. Il y a 2 ans, ce boom touristique a commencé et j'ai vu beaucoup d'étrangers, en particulier des Européens, voyager là-bas. Et aussi beaucoup de voyageuses solo. Donc, je me suis demandé quelle était leur motivation pour choisir l'Iran comme destination de voyage et comment elles s'y sentaient en tant que femmes voyageant seules. Pour mon projet, j'ai vu environ 20 femmes. Parmi elles, 15 ont accepté de participer. J'ai rencontré une Chinoise, une fille de Singapour, les autres venaient d'Europe. L'une des questions que je leur posais, c'était de savoir ce qu'elles pensaient de l'Iran avant d'y voyager, et qu'est-ce qu'elles pensent maintenant qu'elles sont en Iran. La plupart d'entre elles a dit être vraiment surprise. Elles ne s'attendaient pas à tant de différences entre ce que les gens en Europe pensent de l'Iran et la réalité sur place. Surtout, elles étaient surprises de voir combien le pays était sûr. Ce que les médias disent généralement de l'Iran n'est pas la réalité de la vie là-bas. Ils montrent l'Iran comme un pays dangereux ou terroriste. Mais les gens normaux d'Iran veulent juste montrer la réalité et la beauté de leur terre natale. On a toujours, de mon point de vue, beaucoup de lois stupides. Les gens ne peuvent pas boire d'alcool, les femmes doivent porter le voile. C'est plus dur de voyager à l'intérieur de l'Iran pour une Iranienne seule qu'une étrangère seule. En Iran, les femmes ne peuvent pas voyager seules. Elles ont besoin de l'autorisation d'un homme de leur famille, comme leur père, leur frère, leur mari. Ce n'est pas facile d'obtenir un passeport, ils ne peuvent même pas aller seuls à l'hôtel. Mais récemment, j'ai aussi vu beaucoup d'Iraniennes voyager dans le pays et aussi à l'étranger. C'est très important que les femmes puissent voyager parce qu'il y a une grosse séparation entre les hommes et les femmes en Iran. On ne se connaît pas tant que ça. Peut-être que voyager est l'une des solutions. Voilà, c'était donc Mahmoud Foroui qui, on l'a dit, fait de super beaux portraits de voyageuses en Iran, dont Daisy, tu fais partie. Tout à fait, je confesse. Toute cette série-là, elle est disponible sur Internet, on vous mettra le lien. Moi, je vous encourage vraiment à aller les voir, ces photos. C'est vraiment des images qui mettent autant en valeur les femmes que le pays en lui-même. C'est des femmes, en fait, devant un décor traditionnel du pays, donc il y a des super belles perspectives, les couleurs sont magnifiques, et puis on sent vraiment le côté bienveillance, la confiance. Enfin, moi franchement ça me donne vraiment très envie. Voilà. Super, on espère que ça vous donnera aussi envie. Et puis on vous mettra aussi l'Instagram de CM qui est en ce moment en Iran. Peut-être que ça vous motivera encore plus. Puis s'il y en a qui sont en train de checker les billets d'avion là, on vous mettra en lien l'intégralité de la conversation avec Charlotte et Anissa. Il y a plein d'informations très spécifiques sur le visa, les différentes procédures, la langue, les transports, etc. Et puis aussi le lien d'un article que j'avais publié sur Medium à mon retour où j'ai essayé de recenser toutes les infos pratiques qui pouvait être utile pour les voyageuses. Bah avec tout ça, vous avez de quoi faire si vous voulez aussi partir en Iran. Et nous, on va passer au dernier sujet. On vous l'avait dit, on est de nouveau allé demander des conseils à des voyageuses pour vous. Enfin, plus exactement, c'est toi, Laura, qui est allée cette fois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur quoi ça porte ? Oui, Marine. Alors, comme je vous l'avais raconté dans le premier épisode, je suis en vadrouille au Canada et je me rends compte que voyager toute seule, c'est s'apprivoiser quand on ne sait pas encore quelles vont être nos réactions dans un nouvel environnement et savoir de quoi on a besoin. Par exemple, quand on a un petit coup de mou, qu'est-ce qui nous ferait du bien ? Alors, sur ma route, j'ai rencontré des voyageuses solo et du coup, j'ai voulu leur demander si ça leur arrivait à elles de se sentir un peu seules et surtout si elles avaient des tips pour quand ça arrivait. Alors, je vous laisse avec les très inspirantes Cassandra l'américaine, Martha l'italienne et Luciana la brésilienne. J'ai plein de stratégies maintenant. L'une d'elles est de toujours avoir un très bon livre. Si je suis dans ma ville d'origine, où j'ai des amis, un petit ami, et que je vis là depuis des années, je n'ai jamais ce sentiment de « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de mon week-end ou de toute ma journée ?» J'ai le sentiment qu'un livre crée cet espace confortable et familier. Si tu ne sais pas quoi faire et que tu ne peux pas sortir, tu t'assois et tu lis un moment jusqu'à ce que quelque chose te vienne. Ça te permet de moins paniquer à l'idée de ne pas avoir de plan. Et aussi, j'essaye juste de rester vraiment occupée. Dès que j'arrive quelque part, je voyage souvent pour le boulot, je rencontre des gens et je commence tout de suite à faire des plans. Même si je n'ai pas envie de sortir, je me force à le faire parce que c'est facile de finir toute seule dans un hébergement, ce qui peut être effrayant dans une nouvelle ville. Une chose que j'ai décidée il y a peu, c'est que parfois, si je pars quelque part, toute seule, je prends un livre, je sors pour manger seule et je passe un bon moment. Et faire ça plus souvent m'a fait réaliser que ce n'était pas si difficile que ça. Évidemment, ça arrive que tu te sentes seule, parce que tu n'as pas ton groupe d'amis autour de toi. Tu te fais de nouveaux amis, mais ce n'est pas pareil que d'avoir un vieil ami à qui parler. Je pense que c'est bien d'avoir un projet sur lequel travailler, avoir un blog par exemple, quelque chose comme ça, de partager tes expériences. Ça permet de les partager avec tes amis et ta famille, parce qu'ils vont le lire. C'est un peu comme d'être avec eux et de leur faire une place dans tout ça. Et après, tu peux juste rester dans les auberges, c'est bien, parce que tu peux rencontrer de nouvelles personnes et passer du temps avec eux. Et je trouve aussi que la nature, retrouver une connexion avec la nature, ça aide quand je me sens seule. Donc je pars randonner, même toute seule. Ça me permet de me sentir mieux. Je pense que si tu es triste, tu as besoin de trouver quelque chose qui te fasse te sentir bien. D'aller dans différents endroits et admirer de magnifiques paysages. Ces choses-là me rendent heureuse et je crois en Dieu. Quand je suis triste, je lui demande, enfin je l'appelle, il veille sur moi et j'ai ma famille et puis j'ai cette possibilité de voyager. Je dis tous les jours, tout le temps, merci, merci, merci, merci. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire cette expérience. Et je suis si fière de ça. Elles sont inspirantes, les filles que tu as rencontrées, Laura. C'est une jolie façon de conclure la reconnaissance, la gratitude comme ça. Et du coup, vous les filles, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir seule et c'était quoi vos astuces ? Oui, c'est vrai que je les ai trouvées inspirantes, ces filles. Elles avaient toutes une énergie différente et des stratégies en fait qu'elles avaient chacune de faire face quand ça leur arrivait, un petit coup de mou, un petit coup de blues. Ou autre. Et moi, je suis d'accord avec elle. C'est important de trouver des choses qui nous font nous sentir bien. Moi, par exemple, je me suis rendu compte que quand ça m'arrivait, j'aimais bien tenir mon journal de bord ou alors aller marcher dans un parc. Voilà, ça, c'est les choses qui me font du bien. C'est de la bienveillance avec soi. Je trouve ça important. Et toi, Marie, ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans cette situation, de devoir gérer la solitude ? C'est marrant. Moi, en fait, je me suis posé la question, tu vois, et je me rends compte que je me sens rarement seule, en fait. Quand je me sens seule, au contraire, c'est justement le moment où je me retrouve un peu. Et en fait, je fais des trucs pas du tout fun. Je me suis rendu compte que c'était le moment où je me disais, bon, super, j'ai une journée tranquille, je vais faire toute ma lessive, il faut que je rachète des pansements, il faut que, tu vois, j'appelle mes proches. Et en fait, je fais tous ces trucs-là qui me permettent, mine de rien, de repartir bien, parce qu'en général, quand t'es avec plein de gens, t'es dans une énergie qui t'emporte un petit peu. Et là, ça me permet de faire un peu le point. J'écris aussi. C'est vrai que pendant plusieurs jours avec des gens, j'ai des trucs en tête. Et puis quand je me retrouve enfin seule, je me pose enfin et j'écris les trucs qui viennent, quoi. Ouais, mais je trouve ça super parce que justement, quand t'es seule, c'est comme quand t'es seule chez toi. Finalement, tu continues à faire ta vie. Tu te dis pas, oh mon Dieu, je suis seule, faut que je fasse un truc. Moi, je sais que pour l'instant, j'ai un peu de mal avec la solitude. C'est un truc que j'ai envie de travailler justement en voyage. Je me suis rarement retrouvée seule en voyage parce que j'ai fait en sorte de pas l'être. J'utilise beaucoup Couchsurfing, même pour rencontrer juste des gens. J'ai besoin de contacts comme ça. Ou alors, j'ai le bouquin aussi. Voilà. J'adore me poser dans un parc, lire un bouquin, etc. Mais il y a un côté où, typiquement, moi, il y a des situations, aller boire un verre toute seule le soir, c'est un truc que je peux pas faire. Aller au restaurant aussi, j'ai tendance à checker quel restaurant va être le plus safe pour, voilà, je suis seule, lequel je vais pas me sentir mal à l'aise. C'est des trucs que je dois encore apprivoiser. Et je me demande d'ailleurs s'il y a des personnes, des auditrices qui ont des trucs à partager là-dessus, parce que, ouais, aller au restaurant seule, j'ai l'impression que c'est aussi un cap. Je suis d'accord avec toi, Daisy. En fait, je pense que c'est lié à notre construction, encore une fois, notre construction sociale et notre socialisation. On n'a pas été forcément encouragé à se sentir légitime et pleine de notre bon droit à aller faire ce qu'on veut toute seule, quoi. Aller au ciné, aller au restaurant, aller boire un verre, Voilà, c'est aussi de l'appropriation de l'espace public. Et moi, ça me fait du bien de me dire que je suis en train de le faire. Ouais, bah, je suis d'accord avec vous. Et c'est marrant, mais moi, je me suis rendu compte cet été que je l'ai fait sans y penser. Mais parce que comme j'étais en train de randonner, j'avais aucun endroit où être posée. Donc en fait, chez moi, ça devenait partout. Donc si j'avais besoin de me poser, bah, je pouvais me poser dans un resto, commander un truc à bouffer et écrire et lire, tu vois. Parce que de toute façon, j'avais pas d'auberge ou être ou quoi. Donc c'était obligatoire dans mon truc et ça devenait plus quelque chose que je subissais. Ça devenait, c'était chez moi. Partout, c'était chez moi et je trouvais ça génial. Ouais, voilà. Je trouve ça super de conclure là-dessus, en fait. La voyageuse, c'est ça. Être chez soi partout. Donc sur ce deuxième épisode se conclut. On vous encourage très très très vivement à s'abonner sur iTunes, sur SoundCloud, sur toutes vos applis de podcast, sur Android, à nous noter aussi surtout sur iTunes, c'est très très important. Et puis à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, dont vous avez été nombreuses à le faire, et surtout continuez à nous donner vos idées, si vous avez envie qu'on parle de quelque chose pour les prochains épisodes, si vous avez des témoignages que vous souhaitez partager avec nous, on est super heureuses de les avoir, donc surtout n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, du coup le deuxième épisode de La Bougeotte c'est fini, on vous retrouve très bientôt. Salut. Salut. Salut. Les filles, vous êtes là? Je vous entends plus. En fait, on comprend rien quand tu parles. Ah putain, c'était agressif, tu m'as fait peur. Pardon, autant. Moi, j'ai baissé les oreilles, hein.